qu'elles sachent qu'elles vont mourir. Enfin, tu vois, faut bien faire voir que l'on est là. À tous ces cons échoués là, comme par hasard. Près des trottins, c'est là qu'à bout des petites putes sur leur insta. Faut les payer, jamais baiser. Qui montent leur cul, et puis y'en a qui disent là. Raison.